j'ai le chibre qui déborde. Depuis, c'est plus toi mon terrier. Oh, j'ai mes rêves qui s'ébranlent. Depuis, tu m'as donné congé. Ah, j'ai plus de feu dans ma cheminée. Ah, pauvre et miséreux, et plus personne pour me réchauffer. Oh, t'es mon col roulé, mon dénivelé, t'es mon chenal, t'es mon arsenal. Oh, oh, oh, oh. De toi, plus qu'un simple polaroïde, une image pieuse pour moi. Quand je mastique le caïd, et je rêve, et je sombre tout doucement dans la folie. Qui finit en clafoutis. Oh, t'es mon mat cocagne, mon jambon d'Espagne, t'es ma rosette, t'es ma mimolette. Tout ça c'est normal, tout ça ça vient de quand j'étais tout petit. Ah, ma maman, elle avait les mêmes yeux que toi. Et mon papa, il en avait deux aussi. Petite marotte, c'est ma lingette.